Quand j'ai un caisse, on fait pas des caisses, pas des caisses. Et total must, t'en fais pas des masses, pas des masses. Elle enlève ses pouces, direct je la masse, direct je la masse. Et je veux pas de cause, je regarde en face, je regarde en face. Je vise la lucarne, je vise la luna, qu'est-ce de la cesse dans l'arnouna comme Cyril Hanouna, brique rapule, je t'assure, je fume la hooker, mais pas la hookah. Trop de temps à m'allumer, sale pute d'alien, c'est pas ma luma. Je suis avec vous, avec Capri. La coque est légère comme un caprisson, père j'ai appris seul, pourquoi t'as pris le seum? Je suis trop chaud, toi tu frissonnes. Putain de paperasse, la folie liasse, je passe aux pièces et je te déclasse. Le couteau ramène, sable de Paname, ça, ta dame, je fais de la magie sans cette adam. Ouais je suis calme, mais parle-moi je te banane. Connexion Genève Paris Lyon, c'est Lyon zone, rive magenta, 8 Esquela, qu'est-ce tu fais là, Fala, t'es rap ta rabat. Je roule un autre frappe, je guette son pétard pendant qu'elle me fait des pattes. On fait des vrais concerts, tu te concertes avec tes confrères. Faut pas aller sur nous, mes bandes de pute, je m'en fous. Donc ça me rapportera peut-être des sous. Je suis sous l'un sur hôtel de ville avec mon cargo large. J'ai 16 ans, je suis sur scène, je fais toquer ta petite. Tu faisais quoi à mon âge? Dalien, Capri, Bobo, Brola, ils ont devant, c'était affolé. Ton public, c'est que des falas qui fument des tarots au tabac roulé. Lyon sort des tapes, peu importe la saison. Je pisse pas ça, l'épice prend une boisson. C'est nous les plus chauds de toute façon. De toute façon, de toute manière. C'est nous les plus chauds de toute façon. De toute façon.